L'itinéraire que je suis permet d'éviter des routes au trafic dense. Oui, réponse A. Non, réponse B. De raccourcir mon trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D.